De la sélection, bientôt on crie ensemble pour l'homme select. La concurrence est décédée, tu le sais, ma gueule, on sera fort comme les Yankees. La patate est trop forte à mon goût, je crois qu'ils en redemandent un peu comme les Yankees. À la fouille, les mecs, ça passe. Tour de taille qui met le stress. Une erreur et c'est bon, tu te casses. Je m'en dépique et les cibles dans la tête. Un gros gros salam à mon ex. Moi j'ai bien et toi, j'espère que tu flex. Le volume à 30 pour les caisses. Pour les radars, je passe en flèche. Flic, est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux? Amore, amore, dos y tu plata, nina, pica, no pensé por un amore.